Ok, envoie-le-moi, envoie-le-toi, Assine. Parce que. Obligatoirement. Pour tous ceux qui sont venus ce soir voir le Bang Guyana et tous ceux qui sont restés à Makoya pour prendre un bon vibe, j'espère qu'ils vont prendre leurs pieds ce soir car nous sommes venus les envoler là au plus haut, ils peuvent aller. Check ça! C'est le Bang Guyana ce soir qui est avec vous. Soleiman, Teros, Kiki. Et le Bang Guyana. En direct, il fait une porte à l'ami de l'Ika, ça c'est un homme là qui sont là-bas et à nos amis qui sont ici. Teros, Teros, Teros. Yes, I am. Y'a tout problème et tout, je garde une solution. Oula! Yes, I am. Que l'on puisse s'envoler avant de vieillir, avant l'âge, notre monde tout figé. On a soif de nouveaux rivages où règne le respect de l'amour à tous les étages et les sourires formulés. Voici l'héritage que le reggae nous a légué. Positif dans le message, comme les étoiles pour te guider. Ça te montre le sillage, n'a qu'à te laisser aller sur la vibration que l'on partage et qui nous met bien. Laissez-nous nous envoler par ce son. Envole-moi, envole-toi. C'est big respect pour nos amis qui sont là. C'est big respect pour nos états qui sont là. Écoute ça. On va s'attendre à venir par la voie pour la capitale à laquelle nous mouchons à connaître, nous mouchons à connaître. Parce que même ça, c'est ça, on le met à dire. Watch up now. Ya ya. Ça va être que c'est mieux qu'à mal parler. Yo qu'a critiqué, yo qu'a mal jugé, yo pas régité. C'est lui qui est le boulet, mais il n'est pas qu'arrivé. Il est toujours qu'à essayer. C'est lui qui qu'a permis tout d'y envoler nous pas. C'est lui qui qu'a permis tout d'y envoler nous pas. On va t'attendre, c'est qu'à pas la cop, la cop, t'as la gagne, puis check sa poêle. Wow, wow, wow, wow, wow, bye. Laissez-nous nous envoler, porter ce son. Envole-moi. C'est vrai là qui au fond, qui les rend tout dérégés. C'est reggae qui nous vient jouer, c'est reggae qui nous vient goûter. C'est vrai là qui est à ta, pour dérégés, goûter reggae. C'est son. Laissez-nous nous envoler pour de ce son. C'est reggae qui nous vient, je qui nous vient côté. Garde ça en toi et envole-toi. Laissez-nous nous envoler, porter ce son. Envole-moi, envole-toi. C'est reggae qui nous vient, je qui nous vient côté. chanter. Car ça en toi et envole-toi. Et si nous nous envolons pas de ce son, envole-moi, envole-toi. C'est reggae qui nous vit, je qui nous vit beauté. Car ça en toi et envole-toi. Et si nous nous envolons pas de ce son, envole-moi, envole-toi. C'est reggae qui nous vient poter. Garde ça en toi et envole-toi. Laissez-nous nous envoler, porter ce son. Envole-moi, envole-toi. C'est reggae qui nous vient, je qui nous vient poter. Garde ça en toi et envole-toi. Yes, I am. Yes, c'est Roots, Roots, mais Roots. Pour nos tata, pour nos bradas.